Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Et donc, voici ce fameux top de l'insolite ce matin. Un top 10 des endroits chauds qui sont pas habitués de recevoir de neige et qui en reçoivent à la place de nos Jeux olympiques à Vancouver. Donc, c'est la neige de Vancouver qui se retrouve là-bas. Et on commence au numéro 10 avec le sud. Oui, le sud profond. Des endroits comme Savannah, Mobile, Jackson, Shreveport, dans les États du sud des États-Unis. Où on n'est pas habitué de recevoir de neige et où on en a reçu dans les années 90 à peu près, des choses comme ça. C'était quand même assez impressionnant à ce qui paraît. Donc, lorsque c'est tombé. Numéro 9, Buenos Aires en Argentine. Oui, après l'hiver, après cet hiver plutôt, ça pourrait prendre 89 ans avant qu'il y ait toujours de la neige, puisque la dernière fois qu'on en avait eu avant le 9 juillet 2007, c'était en 1918, le 22 juin. Donc, 89 ans entre les deux bordées de neige qu'on a eu droit au Brésil. C'est quand même bien. Pas au Brésil, mais en Argentine, plutôt à Buenos Aires. En huitième position, Las Vegas au Nevada. Et oui, donc, eux qui sont pas habitués vraiment de recevoir de neige, c'est un endroit très chaud en plein milieu d'un désert. Et oui, il y a eu de la neige à Las Vegas en 2008, en décembre 2008. Ça arrive bien pour l'hiver. Mais comme à Las Vegas, tout est faux. Peut-être que c'était de la fausse neige, ça, l'histoire ne le dit pas. En numéro 7, Malibu, en Californie, bien sûr, hein, leur domaine de Pamela Anderson et de David Hasselhoff, les plages de Malibu, la neige est tombée des montagnes de Californie. C'est tombé en 2008, encore à la fin de l'année également. Donc, c'était probablement la même tempête de neige qui a touché Las Vegas. En sixième position, on a Lisbonne au Portugal. Donc, avant 2006, ça avait passé plus de 50 ans sans neige, cet endroit au Portugal, Lisbonne. Et en janvier 2006, ils ont reçu une première bordée de neige en plus de 50 ans, quand même. Ensuite, Bagdad en Irak, également une ville qui est en plein milieu du désert. Tu sais, quand même, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de la neige. Et ça avait pris au-dessus de 100 ans avant que la neige tombe à nouveau. En Irak. Donc, il y a eu une période de 100 ans sans neige et c'est tombé une journée. Il n'y en a plus eu après la suite le lendemain. Bien sûr, et on a échangé les bombes pour les balles de neige pour cette journée-là. En numéro 4, la ville de Séville en Espagne. Et oui, donc, ça faisait plus de 50 ans, eux également, qu'ils n'ont pas reçu de cette fameuse neige. En Espagne, où c'est quand même un pays chaud. Hein? Il n'y a pas de neige là-bas, à part probablement dans les autres montagnes. Dans les montagnes très hautes, mais quand même, c'est dans le sud de l'Europe. Il n'y a pas vraiment de neige qui tombe là. Numéro 3, Homestead en Floride à 25 degrés habituellement. C'est assez difficile. Plutôt à 25 degrés 28 minutes au nord de l'équateur. Voilà, hein? Je suis un cours de géo présentement et j'apprends toutes ces choses-là, je capote. La Floride n'est pas du genre à recevoir de la neige, mais quand même, ils ont eu une bordée de neige le 19 janvier 1977. Et c'était quand même donc très impressionnant à voir, à ce qui paraît, de la neige qui tombe en Espagne. Non, pas en Espagne, là, on est rendu en Floride, dans la ville de Homestead, en passant. En fait, c'est arrivé. Également, en fait, la température la plus basse qu'on a eue à Key West, c'était 41 degrés Fahrenheit, donc ce qui est très bas, c'est à peu près 0 degré Celsius, je crois, le 13 janvier 1871 et le 12 janvier 1993. Donc, la neige qui est propice à tomber en Floride lorsque ça baisse de température. Numéro 2. Rome en Italie, donc Rome qui n'est pas un endroit non plus où on reçoit beaucoup de neige, également dans le sud de l'Europe, à peu près à la même hauteur que l'Espagne, donc vous imaginez. En plus, c'est bordé de la mer Méditerranée un peu partout autour. Rome reçoit rarement de la neige, mais ça arrive à peu près à tous les 25 ans là-bas. Le pape se tenait à ce qui paraît devant sa fenêtre au Vatican pour voir cette fameuse neige tomber. Et d'ailleurs, la photo qui vient accompagner ce fameux top 10 est celle de Rome en Italie. Ou plutôt le Vatican, la place Saint-Pierre, voilà, où il y a plein de neige. Des gens qui se promènent avec des parapluies pour empêcher la neige de tomber sur eux. C'est vrai que quand on n'est pas préparé, hein, n'est-ce pas? Comme à Washington, entre autres, qui est un endroit où on reçoit un peu de neige, mais pas beaucoup. Washington, je parle de la ville, bien sûr, où il y a eu des grosses bordées de 200 mètres là, qui sont tombées. Et bien donc, on n'est pas habitué, on a de la misère à, je dirais en bon français, à dealer avec ça. T'sais, nous, au Québec, on est habitué avec cette fameuse neige, cette fameuse bordée, quoi qu'on en a vraiment de moins en moins, d'année en année. Bien, ça arrive quand même donc qu'on soit touché par des grosses tempêtes de neige, un peu comme notre numéro 1. C'est le désert du Sahara. Et oui, donc il a neigé dans le désert du Sahara, bien sûr en Algérie, au sud de l'Algérie, en 1979. De la neige est tombée pour la première et seule fois dans le désert du Sahara. Cette fameuse tempête de neige a duré à peu près 30 minutes et même pas une heure plus tard, ça ne paraissait plus. Il n'y avait plus aucune trace de la neige. Elle a été absorbée par le sable brûlant. Bien. Donc, c'était le top 10, top de l'insolite d'aujourd'hui, en fait. Les endroits chauds où on ne voit pas habituellement de neige, mais qui en ont reçu quelques fois. Et c'est de la neige qu'on devrait aller récupérer pour donner aux gens de Whistler, aux gens de Vancouver, donc qui organisent nos Jeux olympiques. Malheureusement, ça va pas très bien pour eux. La Covent, n'est-ce pas? Donc, il pleut. Il n'y a pas assez de Français. Les critiques fusent de partout. Mais c'est un gros problème face à cette... C'est un gros problème d'organisation de la part des gens des Jeux olympiques, malheureusement, et ils n'ont que à blâmer. Vraiment. Donc, il y a plusieurs personnes qui blâment beaucoup le CIO parce qu'ils ont donné des Jeux olympiques à une ville où il neige pas au mois de février. La pilule du lendemain change de nom pour On s'appelle et on déjeune les matins sur les ondes du 89.1 FM. Rejoignez Simon Fitzbé et ses chroniqueurs pour une revue de l'actualité, le top de l'insolite ainsi que les carrés aux dates. On s'appelle et on déjeune du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.